إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on va faire maintenant As-Sira Nabawiyya dans le livre avec le livre de Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dans son livre Al-Fusul fi Sirat ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé maintenant à l'explication de qu'est-ce qui s'est passé dans la grande bataille qui s'intitule ou qui s'appelle Ghazwat Uhud. La bataille de Uhud. Et donc c'est une des grandes batailles qui a eu lieu donc dans la troisième année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafiz ibn Kathir il dit yajtamilu ala ghazwati Uhud mukhtasara wa hiya waq'atun imtahana Allah 'azza wa jalla fiha 'ibadahu al-mu'minin واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين وذلك أن قريشا حين قتل الله صراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم وجود أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه شرع مجمع قريش ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد من جبل أحد بمكان يقال عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة. Donc on avait commencé à expliquer un petit peu quelque chose à ce sujet-là. Hein? Donc c'est un résumé donc de qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud. C'est une bataille dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs croyants et il les a testés et il a fait apparaître la distinction entre les croyants et les hypocrites dans cette bataille. Et le contexte de la bataille, comment c'est arrivé, c'est que Quraysh, après avoir perdu dans la première bataille, la bataille de Badr, les plus importants de leurs hommes et les têtes, parmi les têtes des mouchriquins, hein, ils n'avaient pas imaginé ou pensé qu'ils allaient avoir une telle défaite. Ils ne s'attendaient pas du tout à avoir ce genre de défaite, ce genre de conclusion à la fin de cette bataille. Et donc, ils ont décidé donc de revenir vers Médine pour prendre leur revanche et pour venger donc leur mort et leur défaite, la défaite qu'ils ont eue durant la bataille de Badr. Et donc c'était maintenant Abu Sufyan qui a pris la tête de l'armée, puisque la plupart d'entre les grosses têtes ou les grandes têtes de Quraysh avaient déjà été tués pendant la première bataille, la bataille de Badr. Donc ils étaient déjà Abu Sufyan, comme on l'a expliqué déjà au dernier cours, il était venu vers les abords de la ville de Médine dans la bataille de As-Sawiq pour essayer déjà de, de se venger des musulmans, mais finalement, il n'y a rien qui s'est passé, il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, et il est reparti à Mecca sans avoir vraiment rien fait. Donc il a réuni un groupe parmi les gens de Quraysh et des alliés de Quraysh, un nombre de 3000, hein, parmi les gens de Quraysh et leurs alliés, pour venir combattre, et ils ont amené avec eux leurs femmes pour les encourager et puis faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas, hein, sur le terrain de bataille. Donc ils sont arrivés vers Médine et se sont installés près d'un endroit qui s'appelle Ainain. Et cet endroit, on appelle Jabal Ainain, c'est un petit mont qui se situe au sud de Uhud, au sud de la bataille de Uhud, ou bien au sud de la montagne plutôt de Uhud. Et c'est la montagne qu'on appelle aujourd'hui Jabal al-Ruma. Jabal al-Ruma. Et Jabal al-Ruma, on l'appelle Jabal al-Ruma parce que c'est sur ce mont-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé les archers. Il avait placé 50 hommes parmi les sahaba pour surveiller et protéger l'arrière de l'armée des musulmans et pour empêcher que les musulmans soient attaqués de deux fronts. Hein? Parce que la façon dont, disons, on peut imaginer un peu le contexte de la montagne de Uhud par rapport à ce mont-là. Je ne sais pas si je pourrais vous faire d'avoir placé les archers à cet endroit-là. Donc, cet endroit-là s'appelait Ainain, Jabal Ainain, puis le nom a été changé par la suite, on l'a appelé Jabal al-Ruma. Donc le cheikh dit ensuite, istashara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashabahu ayakhruj ilayhim am yamkuth fal madina fabadara jama'a min fudala as-sahaba mimman fatahu al-khuruj yawm badr ila al-isharati bil khuruj ilayhim wa alahhu alayhi fi dhalik wa ashara Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil maqam بالمقام بالمدينة وتبعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته يعني اللأمة هو الدرع وجميع السلاح فلبس لأمته وخرج عليهم وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني النجار فصلى عليه وذلك يوم الجمعة واستخلف على المدينة Ibn Ummi Maktoum. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a discuté avec les compagnons, à savoir, est-ce qu'il va rester à Médine pour combattre et attendre que les ennemis rentrent dans la ville pour les attaquer? Ou bien, est-ce qu'ils allaient sortir vers là où ils s'étaient réunis pour les rejoindre, pour les combattre à cet endroit-là? Et il y a un nombre d'entre les sahaba qui n'avaient pas pu participer à la bataille de Badr, qui ont indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mieux c'était de sortir et d'aller les rencontrer là où ils étaient. Et d'autres comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était la tête des hypocrites, a indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était mieux de rester à Médine. Puis un nombre d'entre les sahaba ont été d'accord avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa maison et il a mis son armure et il a pris ses armes et il est sorti de chez lui. Alors, certains d'entre eux ont dit, « Oh, messager d'Allah, si tu préfères rester à Médine, hein, reste. » Alors il a dit, il n'est pas possible pour un prophète, une fois qu'il a porté ses vêtements de guerre, de les enlever jusqu'à ce qu'il ait combattu. Et donc, ce jour-là, on lui a amené un homme parmi les gens de Bani Najjar. Donc il a prié la prière de janaza sur lui, c'était un vendredi. Puis il a placé Amidine comme imam pendant son absence, Ibn Ummi Maktoum, hein, pour diriger la prière. Ensuite il dit, wa kharaja ila Uhud fi alf, falamma kana bi ba'd at-tariq in khazala Abdullah ibn Ubay ibn Salul fi nahwi 300 من إلى المدينة، فأتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله عنه، يعني أبوا عليه، فلما أبوا عليه يعني الذي والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحدهم على الرجوع، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم، واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، فلما أصبح تعبى عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. Donc le cheikh il dit que ils sont sortis avec un nombre de 1000. Ils étaient 1000 combattants. Puis lorsqu'ils sont arrivés pendant qu'ils étaient en train d'avancer vers le lieu de combat, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites, est reparti avec 300 des combattants. Ils sont retournés à Médine. Alors Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir, il est allé les voir pour leur dire de revenir, hein, et pour les blâmer, comme si en voulant dire pourquoi vous retournez, comment vous pouvez abandonner les croyants alors que ils s'en vont à la rencontre de l'ennemi et puis ils vont combattre. Donc ils les incitaient à revenir. Puis ils ont dit, si on savait qu'il y avait une bataille ou qu'il y allait avoir un combat, on serait pas retourné. En voulant dire que, yani, c'est comme s'ils étaient en train de dire que il y a pas de combat réellement qui va se passer. Donc on retourne à Médine finalement puisqu'il y a pas de bataille. Et justement à propos de ça, il y a un verset qui a été révélé dans le Coran au sujet justement de la parole des munafiqins, et c'est le verset 167 et 168 dans Sourate Al-Imran. Et donc je vais vous lire ce verset là, 168. Oui, c'est 167. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Le verset, ça commence à 166. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. Hein? C'est ça la partie du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 166 et 167, et tout ce que vous avez subi le jour où les deux groupes se sont rencontrés, c'est par la permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait un combat, hein, qu'il y aurait un combat. Et donc ça c'est une partie du verset 166 et 167. Donc ça c'est un exemple de l'attitude des munafiqines ce jour-là. Donc ils sont repartis avec 300 combattants, presque le tiers de l'armée. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc resté avec le reste, environ 700 hommes. Puis ils se sont installés, hein, ils sont passés par des petits chemins jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à la montagne, dans la vallée où il y a la montagne de Uhud. Et ils se sont placés à dos de Uhud. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc aux hommes de combattre jusqu'à ce qu'il leur ordonne, jusqu'à ce qu'il leur commande. Et lorsqu'ils se sont réveillés le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a préparés au combat. Et il a placé 50 hommes sur la montagne. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a placé 50 archers avec les flèches, les arcs et les flèches sur cette colline, sur cette montagne, Jabal al-Rumah, et il a mis à leur tête comme responsable Abdullah ibn Jubayr al-Awsi. Et il leur a ordonné que peu importe qu'est-ce qui se produit, et tout, peu importe qu'est-ce qui se passe durant cette bataille, de rester là où ils sont et de ne pas changer de place, hein, de ne pas bouger, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne le commandement, hein, et de faire en sorte que ils soient capables de défendre l'arrière des musulmans, puis qu'ils ne soient pas ils ne deviennent pas ouverts à cause d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet là il avait mentionné plusieurs choses dans la sunna. Et je vais vous lire quelques hadiths à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, le hadith qui dit, qu'est-ce qu'il a dit aux Romains, qu'est-ce qu'il a dit aux archers. « In ra'aytumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم أوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. أخرجه البخاري. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux archers? Il a dit, même si vous voyez les oiseaux de proie qui viennent nous arracher, ne bougez pas de votre place. Même si les oiseaux viennent, vous voyez qu'ils sont en train de nous manger, restez là où vous êtes jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un, hein, pour vous. Et si vous voyez que on a réussi à avoir le dessus sur les mouchriquins et qu'on a eu la victoire sur eux, ne bougez pas de cet endroit jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un pour vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très clair avec eux et il les avait donc avertis, hein, de ne pas bouger. Et il y a aussi le verset à ce sujet-là, dans Surat Al-Imran, le verset 121, qui fait allusion à cela. Donc on va lire ensemble ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un 'alim. C'est-à-dire, Et lorsqu'un matin, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes du combat, et Allah est audient et omniscient. Donc, non. Et puis, il y a aussi d'autres versets qu'on va lire aussi à ce sujet-là. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'explication. Donc, il dit que ce jour-là, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait porté deux... يعني لبس درعين لبس وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين il a mis deux boucliers un par-dessus l'autre لبس إحدى الدرعين فوق الأخرى et ça fait partie des preuves que le prophète صلى الله عليه وسلم il prenait toujours les moyens nécessaires dans la guerre et dans toutes les choses de la dunya, il prenait les causes nécessaires. Donc ça, c'est une réfutation de ceux qui prétendent que non, c'est pas grave, tu peux ne pas prendre les moyens puis mettre ta confiance en Allah, Allah va t'aider. Oui, Allah va t'aider, mais en même temps, prends les causes nécessaires. C'est ça. Puis par rapport à l'exemple de qu'est-ce que j'ai mentionné par rapport aux archers tout à l'heure. Il y a l'autre hadith c'est le même hadith en fait, qui est rapporté par Al-Bukhari, mais celui-là il est plus long. Il dit, c'est rapporté par Al-Bara ibn Azib, قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد وكانوا خمسين رجلا. Abdullah ibn Jubair, فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم أو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم فقال فأنا والله رأيت النساء يشتددن وقد بدت خلاخيلهن وأسوقهن وأسوقهن. Donc ça, on va revenir tout à l'heure quand on va arriver à ce point-là. وأعطى اللواء مصعب بن عمير وأخا بني أخا بني عبد الدار وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر ابن عمرو المنعق ليموت نعم واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين فكان ممن أجاز سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج ولهما 15 سنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assigné à certains d'entre les sahaba des bannières. C'est-à-dire qu'il assigne à certains d'entre les sahaba un drapeau. Et le drapeau ou la bannière, il a pour but d'orienter et de guider les combattants pendant le combat. Et il dit donc qu'il a donné à Mus'ab ibn Umair une bannière et il a donné... Donc il a donné trois bannières en tout, une pour les gens à droite, une pour les gens à gauche, puis une pour les gens du centre. Ceux qui étaient à droite, il a donné, je pense, à Zubayr ibn Awam et l'autre à Al-Munzir ibn Amr. Et son surnom à lui, c'était Al-Mun'iq Liyamut. Al-Mun'iq Liyamut, c'était son surnom, c'est-à-dire celui qui fonce vers la mort. Donc son surnom c'était ça, Al-Munzir ibn Amr ibn Khunais al-Ansari al-Khazraji. On l'appelait Al-Mun'iq Liyamut parce qu'il allait rapidement vers le combat, vers la mort. Il dit wasta'arada al-Shabab. Ce jour-là, il y a des jeunes qui voulaient combattre, mais ils étaient trop jeunes. Donc certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a renvoyés. Il a dit non, t'es trop jeune pour combattre cette année. Donc il ne leur a pas permis de participer au combat, et d'autres, il les a acceptés. Et parmi ceux qui l'avaient accepté, Samura ibn Jundub et Rafi ibn Khadij, et ils avaient 15 ans. Ils avaient 15 ans. Naam. Donc, les autres, ils ne leur ont pas permis. Et il y a une narration même qui mentionne que, je pense que Abdullah ibn Omar, qui était venu, il voulait participer, puis cette année-là, on ne lui a pas donné la permission. Puis, il raconte que l'année suivante, il y a eu une autre bataille, et il est venu, il dit que à Uhud, on ne m'avait pas permis, mais l'année suivante, on m'a permis. Tu vois? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait pas les combattants qui étaient trop jeunes ou qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc il dit ensuite: wa kana mimman radda yawma idhin Usama ibn Zayd ibn Haritha wa Usyad ibn Zuhayr wa al-Bara ibn Azib wa Zayd ibn Arqam wa Zayd ibn Thabit wa Abdullah ibn Amr ibn Umar وعرابة ابن أوس وعمر ابن حزم وأجازهم يوم الخندق. Donc ceux qui ont été refusés parmi les jeunes, il y avait ceux que je viens de mentionner en arabe: Usama ibn Zayd, Usyad ibn Zuhair al-Bara, Zayd ibn Arqam et Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Umar et les autres. Donc ceux-là, on ne leur a pas permis cette année-là. L'année suivante, lorsqu'il y a eu la bataille de Al-Khandaq, on leur a donné la permission. وَتَعَبَّأَتْ قُرَيْشْ أَيْضًا وَهُمْ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَفِيهِمْ مِئَةَ فَارِسْ فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَتِهِمْ خالد بن الوليد وعلى يسار وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. Donc les gens de Quraysh, eux, comme on a dit plus tôt, ils étaient 3000 et ils avaient avec eux 200 cavaliers, c'est-à-dire 200 qui avaient des chevaux. Tandis que les musulmans, eux, comme on a dit tout à l'heure, combien on avait dit qu'ils avaient, 50? 50 archers, 700, ils étaient 700 hommes, mais ils avaient un nombre d'archers aussi, un nombre de cavaliers aussi. J'ai oublié si je l'ai mentionné quand j'ai traduit ou non. Mi'atafaris, laisse-moi vérifier. Salatat alaf, Quraysh. Oui, khamsuna farisan, ou fihim khamsuna farisan. Donc il y avait 50 cavaliers. Donc 50 parmi les sahaba qui avaient une monture. Et il y avait 50 archers aussi. Le reste c'était des combattants au front, oui c'est ça. Donc, tandis que chez les mouchriquins, il y avait 200 cavaliers. Mi'ata faris, ça veut dire 200, oui c'est ça. Donc 200 faris chez les mouchriquins. Et il a mis à droite Khalid ibn al-Walid, ils ont mis à leur droite Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore converti à l'islam, et à leur gauche Ikrima ibn Abi Jahl. Et il dit: wa kana awwalu man baraza من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب واسمه عبد عمرو ابن صيفي وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبا. Donc les mouchriquins, le premier qui a voulu sortir, c'est-à-dire sortir des rangs pour s'avancer au combat, c'est un homme qui s'appelait Abu Amir Al-Rahib, Abu Amir le moine, Al-Rahib. Et la raison pourquoi on l'appelle comme ça, bon, c'est parce qu'il était comme un moine, mais en réalité son nom c'est Abdu Amrin ibn Saifi. Et lui, avant l'islam, c'était un chef de la tribu de Aus, comme on a expliqué au début, que à Médine il y avait deux tribus, hein, Al-Aws et Al-Khazraj. Donc la tribu de Aws, ceux qui étaient à leur tête, c'était cet homme-là, hein, Abd Amr ibn Sayfi. Et lui, il n'a pas voulu accepter l'islam. Donc qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a rejeté l'islam. Hein? Et surtout quand les musulmans ont eu la victoire à Badr, lui il est parti, il est allé à Mecca, retrouver les mouchriquins. Et il les a incités contre les musulmans. Et il détestait l'islam, il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il détestait les sahaba. Donc quand il est arrivé vers Médine, il a été parmi les premiers qui est sorti des rangs pour combattre. Il dit فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه فقالوا له لا أنعم الله لك عينا يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. Donc en fait c'est ça, c'est que il a vu que les gens de Médine ont accepté l'islam, et lui il a refusé d'accepter l'islam et il a opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a montré son animosité et sa haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Et donc il est sorti de Médine, il est parti, il est allé rejoindre les mouchriquins de Quraysh pour les inciter, en plus de la haine qu'ils avaient déjà contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et contre les sahaba. Et donc lorsque il était à Mecca avec les mouchriquins, il leur a dit: quand je vais arriver à Médine, je vais inciter ma tribu, hein, à me rejoindre pour combattre les musulmans, hein, en voulant dire que une fois que j'arriverai là-bas, je vais les faire changer d'opinion, ils vont venir me rejoindre. طيب. Donc lorsqu'il est arrivé pour dire à la tribu, aux gens de Al-Aws, le jour de la bataille, de revenir vers lui et de le suivre, hein, il dit que les gens de Aws lui ont répondu la an'amallahu laka aynan ya fasiq, en voulant dire que Allah ne réjouisse pas tes yeux, yann, ô toi le pervers. C'était son nom en fait. Les gens l'appelaient Abu Amr al-Fasiq. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé comme ça. Donc, après il a dit: ah, mon peuple est devenu mauvais après moi. C'est ce qu'il a dit. Oh, mon peuple a été frappé par un mal après moi. Puis il a combattu les musulmans. Hein, il a combattu les musulmans avec beaucoup de haine, beaucoup de force. Puis il dit: wa kana shi'aru ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma idhin amit amit. C'est-à-dire que les musulmans, le jour de Uhud, ils avaient un code. Pour quand ils étaient sur le champ de bataille, pour que, yani, s'ils arrivent devant quelqu'un pour savoir que c'est un musulman, ils disaient Amit, puis là il va pas le frapper, comme si pour pas que, si par exemple ils arrivent devant quelqu'un puis ils savaient pas que c'est un musulman, ils vont dire Amit, puis là ils vont pas se frapper. Donc il dit: wa abla yawma idhin Abu Dujana Simak ibn Kharasha وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وكذا علي ابن أبي طالب وجماعة من الأنصار ومنهم النضر ابن أنس وسعد ابن الربيع رضي الله عنهم أجمعين وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. Donc il dit que ce jour-là, Abu Dujana ibn Simak et également Hamza ont été éprouvés. Hein, ils ont été parmi ceux qui ont été martyrs. Hein, et parmi ceux qui ont également combattu très fort ce jour-là, Ali ibn Abi Talib. Et il mentionne d'autres également parmi les Sahaba. Puis au début de la journée, c'est les musulmans qui avaient le dessus sur les kuffars, et les kuffars se sont enfuis même jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils avaient laissé leurs femmes. Et donc il dit فلما راى ذلك اصحاب عبد الله بن جبير قالوا يا قوم الغنيمه الغنيمه فذكرهم عبد الله بن جبير يعني تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك فذهبوا في طلب الغنيمة وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجاوزوها وتمكنوا وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله كونه فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. Donc il dit que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que lorsque les gens qui étaient avec Abdullah ibn Jubayr sur la montagne Jabal al-Rumah ont vu que les mouchriquines partaient en fuite, hein, ils ont cru que la bataille était terminée et que les musulmans avaient gagné et que les mouchriquines n'allaient pas revenir. Alors ils ont dit le butin, hein, allons ramasser le butin. Et Abdullah ibn Jubayr leur a rappelé qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il envoie quelqu'un pour leur dire de descendre. Mais ils ont dit non, ça y est, c'est fini la bataille, les mouchriquines sont partis, ils vont plus revenir, ils vont pas nous attaquer par la suite. Donc ils sont descendus pour aller essayer d'attraper ou de prendre du butin. Et les cavaliers des mouchriquines qui étaient à cheval, hein, ils ont vu cette ouverture quand les archers sont descendus et ils en ont profité. Et ils sont donc passés par derrière. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu s'est donc produit ce jour-là. Et un grand nombre d'entre les croyants ont été martyrs. Hein, et ils ont été tués parmi certains des meilleurs d'entre les musulmans. Donc il y a eu en tout 70 parmi les sahaba qui ont été tués durant cette bataille. Il dit فخلص المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى السفلي بحجر وهشمت البيضة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة ابن أبي وقاص وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهري أبا جد محمد ابن مسلم ابن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. Donc là maintenant il explique les choses qui se sont produites durant cette bataille et lorsque les mushrikoun, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsque les mushrikoun ont pris le dessus après la désobéissance des archers, et qu'est-ce qui s'est produit par la suite. Yani subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même été blessé durant cette bataille. Il a même été blessé dans son visage et une de ses dents a été cassée par une pierre qu'un des mushrikins avait lancée. Et également le casque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur sa tête et il est tombé dans un trou que Abu Amir al-Fasiq avait creusé pour faire tomber les musulmans dedans. Et c'est Ali radiallahu anhu qui l'a tiré par sa main et qui l'a fait sortir. Et Talha ibn Ubaidillah, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans une position, une situation difficile, entouré de mushrikins. Et les croyants l'ont défendu jusqu'à ce que Talha ibn Ubaidillah arrive, puis les frappe tous avec son épée. Et ce jour-là, même deux anneaux parmi les anneaux du casque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont enfoncés dans son visage. Et comment il s'appelle, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui les a retirés avec ses dents, en tirant dessus avec ses dents, et lui-même a cassé deux de ses dents en arrachant ces anneaux-là qui étaient rentrés dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit que après il avait comme une espace comme ça entre ses deux dents et ça l'a embelli, on dit ça l'a rendu plus beau. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il dit également que Malik ibn Sinan, c'est Ibn Ubaidillah, Ibn Ubaid al-Ansari, il est mort shahid justement durant cette bataille. Il avait même sucé ou pris enlevé le sang d'une blessure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa adraka al-mushrikun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa hala dunahu nafar min al-muslimin nahwan min 10 fa qutilu thumma jadalahum Talha hatta ajhadahum anhu sallallahu alayhi wa sallam wa tarassa Abu Dujana Simak ibn Kharasha alayhi sallallahu alayhi wa sallam bi dhahrihi wan nablu yaqa'u fihi. Il dit que les mushrikoun, ils ont réussi à encercler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y avait une dizaine d'entre les sahaba qui étaient là pour essayer de le protéger. Et ils ont tous été tués un après l'autre par les mushrikoun. Jusqu'à ce que Talha arrive et c'est lui qui les a repoussés finalement et qui a fini avec eux pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également Abu Dujana, Simak ibn Kharasha, est venu comme si se mettre devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour empêcher les mushrikines de l'atteindre avec leurs flèches. Et il était là comme ça devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il recevait des flèches dans le dos et il bougeait pas, il restait comme ça pour couvrir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour empêcher les flèches d'atteindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي فأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان الظفري فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة فكانت أصح عينيه وأحسنهما. Donc également Sa'd ibn Abi Waqqas, ce jour-là aussi il tirait des flèches et il frappait les ennemis durement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'incitait à continuer à tirer sur eux. Et ce jour-là, il y a un des compagnons son œil est tombé, son œil est sorti de son socle. C'était Qatada ibn Nu'man al-Zufari, et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a remis son œil en place. Et c'était, après ça, c'était le meilleur de ses deux yeux, c'est celui avec lequel il voyait mieux par la suite. Il dit wa saraha ash-shaytan la'anahu Allah bi'ala sawtihi inna Muhammadan qad qutil. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى أكثرهم وكان أمر الله. C'est-à-dire que le shaitan il a fait entendre au plus haut de sa voix, il a fait répandre la rumeur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été tué parmi les croyants. Donc eux, ils ont cru que ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains d'entre eux, ça y est, il y en a parmi eux qui ont même pensé à arrêter de combattre. Hein. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont dit non, s'il est mort, alors dans ce cas-là, il faut combattre encore plus pour mourir sur la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il dit justement à ce sujet-là, par la suite, il dit ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون في الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه فوجدت به 70 ضربة. Donc il dit que Anas ibn Nadr, il est passé près d'un groupe de musulmans qui avaient baissé les bras, ils avaient cessé de combattre, et il leur a dit qu'est-ce que vous attendez. Ils ont dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Alors il leur a dit, qu'est-ce que vous allez faire de la vie après lui? Mourez comme il est mort, sur la cause. Mourez pour la cause pour laquelle il est mort. Et les gens donc se sont tournés et ils ont combattu. Et il dit que Sa'd ibn Mu'adh a dit, il a rencontré Sa'd ibn Mu'adh et il a dit « Oh Sa'd, par Allah, je sens l'odeur du paradis derrière Uhud, derrière la montagne. » Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au combat. Il est retourné dans la bataille encore avec plus d'entrain encore, jusqu'à ce qu'il soit martyrisé. Il est mort martyr. Et on a trouvé sur son corps plus que 70 coups, 70 coups d'épée. Yani subhanallah. Il dit وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة وبعضها في رجله فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف, un parmi les muhajirin, il a été blessé, il a reçu 20 blessures. Ce jour-là, il a eu plus que 20 blessures. Et certaines d'entre elles étaient dans sa jambe. Et à cause de ça, il était boiteux. À cause de ça, jusqu'à sa mort, il est resté boiteux. Radiallahu anhu. Il dit, وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم اسكت أن اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était venu donc avec une partie des musulmans, puis le premier qui l'a reconnu sous son casque c'était Ka'b ibn Malik, et il a crié à haute voix, oh vous les musulmans, sachez que, réjouissez-vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe en lui disant de se taire, de pas le dire. Et donc les musulmans se sont tous réunis autour de lui, et là ils sont descendus dans une des voies, et parmi eux il y avait Abu Bakr et Omar et Ali et Al-Harith ibn Simma Al-Ansari et d'autres. Donc lorsqu'ils étaient à dos, lorsqu'ils étaient dans la montagne, il dit adrakahu Ubay ibn Khalaf ala Jawad yuqalu lahu al-Aud za'ama al-Khabith annahu yaqtul alayhi رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث ابن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما فقال له المشركون والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لمات أجمعين إنه قال لي إنه قاتلي ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. Donc un d'entre les mushrikins, c'est Ubay ibn Khalaf. Il était sur un cheval. Et il pensait qu'il allait, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il pensait qu'il allait tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'est approché, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris une lance de la main d'un d'entre de Al-Harith, et il l'a lancé sur Ubay. Et il l'a blessé avec cette lance. Et donc, quand il est descendu, les mushrikoun lui ont dit, tu n'as rien. Et lui, il a dit, par Allah, comme ça, en voulant dire, il a su qu'il était gravement blessé. Puis, finalement, il est mort de cette blessure-là, en retournant à Mecca. Il dit, وَجَاءَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا لِيُرْسِلَ عَنْهُ الدَّمْ ليرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليرسل عنه الدم فوجده آجنا فرده وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم ولأنه ظاهر يومئذ بين ذعين فجلس طلحة تحته حتى سعد وحنت الصلاة فصلى جالسا ثم مال المشركون إلى رحالهم ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها وكان هذا كله يوم السبت. Donc Ali radiallahu anhu a ramené de l'eau pour nettoyer le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait du sang dans son visage, et il a trouvé que l'eau en question était comme si elle avait changé d'odeur et de goût, donc c'était pas de la bonne eau, donc il l'a jetée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur un rocher, mais il pouvait pas du fait qu'il avait été blessé, puis aussi du fait que il avait porté deux armures, une par-dessus l'autre. Donc il n'était pas capable de monter, et Talha s'est accroupi par terre pour permettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de monter en mettant son pied sur son dos, pour pouvoir monter sur le rocher. Et le temps de la prière est arrivé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis, puis les mouchrikoun sont montés sur leur monture, puis ils sont retournés vers Mecca, sur le chemin de Mecca, puis tout ça s'est passé le samedi, tout ça s'était produit un samedi. Et parmi les musulmans ce jour-là, il y a eu plus que 70 martyrs. منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى بني نوفل واعتق لذلك وقد أسلم بعد ذلك وكان أحد قتلت مسيلمة الكذاب لعنه الله وعبد الله بن جحش حليف بني أمية ومصعب بن عمير وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي وسمي بشماس لحسن وجهه فهؤلاء أربعة من المهاجرين والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ. Donc il y a eu 70 parmi les sahaba qui sont morts ce jour-là. Parmi eux, Hamza, radiallahu anhu, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été tué par un esclave qui s'appelait Wahshi. C'était l'esclave de Bani Naufil. Et il a été libéré ou émancipé à cause de ça. Parce qu'on lui avait promis que s'il tuait Hamza, qu'il allait être libéré. Alors il l'a tué. Puis par la suite, Wahshi s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman. Et il a été justement il a voulu se racheter d'avoir tué Hamza. Donc il a tué Musaylama, al-Kadhab, le faux prophète. Et il y a eu parmi les morts également Abdullah ibn Jahsh et Mus'ab ibn Umayr et Uthman ibn Uthman. Et Uthman ibn Uthman, on l'appelait Shammas ibn Uthman. Et on l'appelait Shammas parce qu'il avait un beau visage. Donc ça, c'était 4 parmi ceux qui sont morts parmi les muhajirines. Tous les autres, c'était des martyrs de parmi les ansar. Tous les autres, c'était des morts parmi les ansar. Donc on peut dire qu'il y avait 4 parmi les muhajirines qui sont morts, puis les autres, donc c'était comme 66 parmi les autres, c'était des gens de Al-Ansar qui sont morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous enterrés sans les laver, et il n'a pas prié sur eux ce jour-là. Il dit wa farra yawma idhin min al-muslimina jama'atun min al-a'yan wa minhum Uthman ibn Affan radiyallahu anhum وقد نص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم فقال عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وقتل يومئذ من المشركين 22 وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. On a lu ces versets là tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh, c'est que ce jour-là il y a un groupe d'entre les croyants qui sont qui parmi les musulmans qui s'étaient enfuis, et parmi eux Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qu'il les a excusés de ça. Et c'est le verset 155 dans surat Al-Imran. Donc on va lire les versets, puis après on va terminer le cours d'aujourd'hui. Ce jour-là, donc le verset 155, ça dit إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Puis les versets qui ont été révélés à propos de la bataille de Uhud dans Surat Al-Imran, ça commence à partir du verset 121. On a lu ce verset-là. Lorsqu'un matin, tu, Muhammad, quitta ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Et la suite, c'est وَإِذْهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. Donc il y a plusieurs versets au sujet de cette bataille. On en a lu quelques-uns. Et le lendemain, ça c'était un samedi cette bataille-là. Le lendemain, il y a eu la bataille qu'on appelle Hamra ul-Asad. Et on va juste expliquer ça, puis après on va arrêter. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il a dit à tous ceux qui avaient participé à la bataille de Uhud de se préparer, puis ils sont partis à la suite des mouchriquins. Hein? Donc c'était pour leur montrer que, c'était pour montrer aux mouchriquins de Quraysh en fait que, malgré la défaite, malgré les pertes, malgré qu'est-ce qu'il y avait eu comme difficulté dans cette bataille-là, qu'ils avaient rien gagné et que les croyants n'ont pas été ébranlés par cette défaite et que ils étaient encore prêts à se battre. Et ça a jeté dans le cœur des mouchriquins beaucoup d'effroi, il y en a beaucoup de crainte. Il dit à ce sujet, donc Al-Hafiz ibn Kathir, il dit فلما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم في وهذه غزوة حمراء الأسد وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحد فلم يخرج إلا من شهد أحد سوى جابر بن عبد الله فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة فذلك قوله تعالى والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم مر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان فلم يقتل فيها سواه. Donc il explique que donc ils se sont tous, le prophète a dit à ceux qui ont participé à la bataille de Uhud, le lendemain de la bataille, alors qu'ils sont pleins de blessures de la bataille qu'ils ont fait, et il leur a dit, préparez-vous, on va sortir, hein, on va sortir rencontrer les mushrikin, on va aller les rejoindre. Et ils sont partis jusqu'à un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad. Et il a dit que c'est seulement ceux qui ont participé à la bataille de Uhud qui doivent sortir avec lui. Et donc c'est seulement eux qui sont sortis, excepté Jabir ibn Abdullah, dont le père était mort pendant la bataille de Uhud. Et lui, Jabir, était resté derrière pour s'occuper de ses sœurs. Hein? Et son père avait été mort, avait été tué pendant la bataille. Donc il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir avec lui jusqu'à Hamra al-Asad. Et c'est un endroit qui est à quelques kilomètres de Médine. Puis, lorsque ils sont arrivés là-bas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour les avertir, pour leur dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont venus pour vous rencontrer. Et les mushrikoun avaient pensé revenir à Médine, mais quand ils ont vu que les musulmans sont venus à leur poursuite, ils ont changé d'idée, ils ont eu peur et ils sont retournés à Mecca. Donc ça c'est en résumé qu'est-ce qui s'était passé dans la bataille de Uhud. Et ça c'est les événements qui se sont produits pendant cette bataille. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, puis on continuera au prochain cours la suite de la sira inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.